Et pour terminer ce journal, Tremblay, Facebook investit dans l'intelligence artificielle. Le réseau social annonce qu'il installe un laboratoire à Paris avec des chercheurs français. Mais pourquoi le groupe s'intéresse-t-il à l'intelligence artificielle? Des éléments de réponse avec Éric Chavroux. Pour le réseau social, il s'agit de toujours mieux servir ses utilisateurs. Une vingtaine de chercheurs permanents seront à terme officiellement mobilisés pour personnaliser les contenus via par exemple la reconnaissance d'images, pour tenter d'éviter les spams et les vidéos violentes et permettre d'interagir vraiment avec la machine en lui parlant naturellement, espère Yann Lequin, le responsable de ces recherches et sommité de l'intelligence artificielle. Au cours de la décennie prochaine, on va probablement assister à un progrès continu des techniques d'intelligence artificielle qui vont permettre aux gens de dialoguer avec les ordinateurs et de leur donner plus de contrôle en fait sur leur interaction avec le monde numérique et puis en fait de faciliter la connexion entre les gens qui est vraiment le but principal de Facebook, la raison d'être de Facebook. L'investissement humain et matériel est massif pour un budget secret, mais Yann Lequin assure que ces travaux serviront aussi la recherche publique. On a déjà un accord avec l'INRIA qui est un accord de collaboration dans lequel Facebook finance certains projets et travaille de concert avec des groupes de recherche à l'INRIA. Ce sont des groupes en fait principalement de gens que je connais depuis longtemps avec qui j'ai déjà collaboré dans un cadre universitaire. Et on travaille naturellement sur des accords avec des universités parisiennes et bien sûr des universités européennes d'une manière générale. Donc on se voit vraiment comme partie intégrante de la communauté de recherche avec un modèle très ouvert. Ou comment ces recherches sont publiées et une grande partie des programmes sont mis en partage, mais comment aussi en savoir toujours plus sur nous pour nous happer davantage dans un monde clos et programmé et maîtriser une incroyable base de données disponible pour de la publicité. Et le temps de ce mercredi, l'embellie confirme encore quelques nuages sur la moitié nord, mais le soleil s'installe au final. Les températures grimpent. On attend cet après-midi 18 à Quimper, 22 à Paris, 25 à Marseille, 27 à Bordeaux et jusqu'à 33 degrés pour Avignon, Marc Boinchet.